J'avais le cœur en veille, perdu dans mes saisons, à chercher dans le ciel une petite raison. Tout semblait immobile, posé sans un frisson. J'avançais difficile sans trouver la maison. Mais t'es venu sourire et tout s'est réveillé, comme une note qui inspire un piano fatigué. J'ai senti dans l'air chaud quelque chose d'irréel, comme un vent nouveau qui me poussait vers le ciel. Et je me suis dit c'est le moment, faut que j'avance maintenant. Ce soir j'y crois, je sens le monde tourner pour la première fois. Ce soir j'y crois, je me sens capable de tout, même de faire un pas. Si tu restes là, rien ne pourra m'arrêter, je te le promets. Ce soir j'y crois, plus que jamais. On a parlé des rêves qu'on garde dans les tiroirs, ce qu'on cache les jours où on n'a plus d'espoir. Tu m'as dit que la vie valait bien un détour, qu'on peut tomber 100 fois et se relever toujours. Alors j'ai pris la route avec ton souffle au dos, j'ai senti mes doutes fondre comme tombe la neige au chaud. Y'a dans ma voix un feu qui brûle et s'enflamme, et que ton regard a rallumé. Maintenant je veux essayer, plus question de reculer. Ce soir j'y crois, je sens mes chaînes tomber pour la première fois. Ce soir j'y crois, comme si la vie mourait. See?